Bonjour, vous écoutez Futur Sim sur CKRL au 89.1. Mon nom est Judith Lachance, étudiante au Collège des Compagnons. Aujourd'hui, deux élèves de mon école nous ouvrent les portes de l'Expo Science, une vaste compétition scientifique s'adressant aux jeunes étudiants. Donc, bonjour Chana, bonjour Philippe. Bonjour. Donc, premièrement, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce en quoi consiste l'Expo Science? Dans le fond, l'Expo Science, c'est une rencontre amicale de jeunes qui ont entre 6 et 20 ans. Ces jeunes ont pour but de rechercher, vulgariser ou expérimenter un sujet scientifique qui les passionne. Et ils vont les présenter devant les personnes vraiment de tout âge. Ça peut aller de maternelle jusqu'aux personnes adultes ou les personnes âgées aussi. Et après ça, devant des juges. Et dans le fond, leur but, c'est de se rendre aux compétitions provinciales, pan-canadiennes et par la suite l'international. OK, d'accord. Par rapport à ça, lors de votre première expérience, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à participer à Expo Science et qu'est-ce qui vous a poussé encore une fois à y revenir? L'année dernière, nous, on était vraiment passionnés, on l'est encore, là, par les sciences. Donc, c'est notre professeur de sciences qui nous a incités à participer aux Expo Science parce que, justement, il voyait qu'on avait un très gros intérêt. Donc, cette année, on a décidé d'y participer encore parce que c'est vraiment une compétition qui nous permet de découvrir des nouveaux sujets scientifiques. Mm-hmm. Comme on est passionné de ça, nous, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu y participer. Mais aussi, ça nous permet de faire des belles rencontres, donc des jeunes qui sont comme nous, passionnés par les sciences et aussi des professionnels. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. OK. Cette année, comme les autres années, dans le fond, par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce que Expo Science vous apporte ou vous a apporté? Dans le fond, la chose première que l'Expo Science nous a apporté, c'est surtout la rencontre des gens, parce que ça nous a permis de rencontrer des personnes qui ont tout un intérêt pour les sciences, mais aussi de rencontrer des mentors. Comme cette année, on est allé faire une visite d'un laboratoire de neurobiologie avec notre mentor, Madame Isabelle Saint-Amour. Mm-hmm. Puis ça nous a permis aussi d'explorer un peu plus son métier, de rencontrer différentes personnes, puis de voir vraiment tout qu'est-ce qu'ils font. Et en plus, l'année dernière, lors de la compétition provinciale, lorsqu'il y avait des différentes activités, comme exemple, moi je suis allé dans un laboratoire, pas dans un laboratoire, dans une université où qui parlait de la biologie agroalimentaire. Mm-hmm. Puis ça m'a permis vraiment plus d'explorer qu'est-ce que c'était, puis de rencontrer différentes personnes. Donc, je pense que c'est surtout ça que ça nous a apporté. OK. Cette année, on peut parler un peu de votre sujet. Quel est votre sujet et surtout, comment l'avez-vous choisi? Donc, pour cette année, on a choisi de parler du sujet de l'Alzheimer. Donc, on a choisi ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet qui nous passionne à la base. Mm-hmm. Donc, au début de notre processus de réflexion sur un sujet, on voulait vraiment un sujet qui touche à la santé. Et dans le fond, on s'est posé, comme à chaque début d'Expo Science, on se pose une question. Donc, cette année, ça a vraiment été, pourquoi l'Alzheimer, on ne peut pas la guérir? Pourquoi il n'y a pas de remède miracle? Mm-hmm. Donc, on a vraiment voulu approfondir nos connaissances là-dessus. C'est vraiment à partir de cette question qu'on a fondé nos sous-sujets et par la suite entamé nos recherches sur là-dessus. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus du déroulement de votre projet? Donc, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous devez passer durant votre réalisation? Donc, Expo Science, tout d'abord, ça commence par le choix d'un sujet. Par la suite, on commence les recherches. Mm-hmm. Ensuite, on doit... ça, c'est pas obligatoire, mais c'est plus intéressant. Donc, on cherche un mentor. Donc, cette année, nous, on est allé dans un laboratoire. Quelqu'un pour vous accompagner. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment bien... pour nous aider à comprendre des sujets parfois un peu compliqués, tu sais, à nous aider à vulgariser ça et à synthétiser vraiment l'information importante. Donc, après, bien sûr, il y a la confection du kiosque, donc du support visuel, et finalement, les compétitions. Donc, la compétition régionale, la compétition québécoise, pan-canadienne et finalement, les internationaux. Mm-hmm. Mais bien sûr, pour se rendre à ces compétitions, on a dû faire plusieurs étapes dans la recherche. Donc, pour commencer, on a commencé à chercher sur le fonctionnement de l'Alzheimer. Mm-hmm. Après ça, les causes qui sont reliées, ses symptômes, aussi le traitement, pourquoi on ne peut pas le guérir, puis par la suite, on explique une découverte très intéressante. OK. Durant votre réalisation, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dont vous pouvez nous parler? Donc, bien sûr, il y a eu quelques difficultés. Je dirais pas qu'il y a eu des difficultés, mais le travail, c'est sûr que ça demande du temps, mais pour nous... c'est pas quelque chose qui nous demande vraiment notre temps parce que c'est ce qu'on aime faire. Ouais. Donc, c'est vraiment une activité. Nous, c'est pas un travail supplémentaire, là. C'est vraiment quelque chose de plaisant pour nous. Donc, par exemple, c'est sûr qu'il y a une limite de temps à respecter. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être un peu ce qui est plus difficile, mais c'est tout à fait faisable. Nous, on l'a fait l'année dernière. Puis on l'a c'est accessible aux jeunes. Là, ouais. Exactement. Donc, même si on a les travaux d'école et tout, on est vraiment capable de remettre ça dans les temps. Mm-hmm. Et aussi, c'est sûr qu'il faut se trouver notre titre accrocheur et bien sûr les sous-sujets, mais c'est tout à fait faisable. Mm-hmm. Donc, Exposition, c'est un événement qui rassemble la présentation de nombreux projets scientifiques, mais c'est avant tout une compétition. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus des reconnaissances qu'on peut obtenir en y participant? Dans le fond, c'est dans cette incroyable compétition. Il y a plusieurs prix qu'on peut gagner pour exactement chacune des catégories, mm-hmm. comme pour l'énergie, la biologie ou même pour l'aspect médical. Mais dans le fond, nous autres, les prix qui nous passionne le plus, un peu, qu'on veut avoir, mm-hmm. c'est surtout les prix qui nous permettent d'aller jusqu'à la provinciale. Ouais. Comme l'année passée, on est arrivé 7 sur 11 des premiers. Donc, puis les 11 premiers, ils s'en vont jusqu'à la provinciale. Donc ça, c'est un prix qu'on a aimé, qu'on a aimé avoir parce que ça nous a permis d'aller plus loin. Mm-hmm. Et l'autre prix qu'on aimerait vraiment recevoir, c'est surtout le prix coup de cœur. Parce que le prix coup de cœur, ça vient dire que les gens, ils t'ont vraiment apprécié, ils t'ont trouvé intéressant, ils ont trouvé que tu parlais très bien puis que tu savais vendre ton projet, puis que t'avais vraiment l'air passionné, puis que t'avais ta place d'être là. Donc, ça, c'était vraiment un prix qui vient un peu plus nous toucher personnellement, parce que ça vient des gens, puis pas juste des juges, vraiment des gens, des entourages, n'importe qui, dans le fond, qui vient là, puis qui font « Wow, tu mérites d'être là. Mm-hmm. » Donc, des compétitions dynamiques, là, ouais. Donc, par rapport à ça, c'est quoi les différences qu'on peut observer par rapport aux compétitions régionales et provinciales? Donc, le saut entre les deux. Donc, lorsqu'on s'inscrit aux Expos Sciences, on commence par la finale régionale. Donc, cette année, elle se déroule au Cégep Lévis-Lauzon. Donc, mm-hmm. Chaque région de la province a sa propre finale régionale. Donc, par la suite, chaque région sélectionne un certain nombre de projets. Donc, la moitié sont des expérimentations et l'autre moitié des vulgarisations. Par la suite, ces projets-là vont être envoyés à la finale provinciale. Et par la suite, à la finale provinciale, on peut courir la chance d'aller à la finale canadienne et même à la finale internationale. Donc, on peut voir que les compétitions peuvent se rendre vraiment très loin. Mm-hmm. Donc, pensez-vous que tous les jeunes qui ont un intérêt particulier pour les sciences peuvent participer à ces compétitions-là? Et surtout, quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui aimeraient participer à ce genre de compétition-là? Ben, dans le fond, évidemment, n'importe qui, n'importe quel jeune qui a une passion pour n'importe quelle des sciences, n'importe quel aspect relié aux sciences, dans le fond, ils peuvent participer parce que c'est vraiment eux qui vont décider à 100% leur projet, leur mentor, à quoi va ressembler leur présentation, ou que c'est une vulgarisation, expérimentation. Dans le fond, si ça les vraiment passionne, puis que c'est capable de les rendre loin, puis que pour eux, c'est pas rendu travail, mais vraiment plus comme une activité, c'est sûr qu'ils méritent d'y aller puis qu'ils devraient même y aller. C'est ça, j'ai leur conseil fortement. Puis le conseil que je donnerais en numéro un, c'est vraiment de foncer puis d'aller jusqu'au bout, malgré toutes les petites épreuves qu'il peut avoir ou les difficultés rencontrées. Juste te rendre à la fin puis faire « Wow, j'ai tout fait ça derrière moi ». Ça mérite vraiment de te voir. Puis en plus, l'expérience de gang rendue là-bas, c'est sensationnel. On voit pas vraiment ça dans n'importe quelle activité. C'est vraiment ça le conseil que je donnerais, donc d'aller jusqu'au bout, juste pour voir le résultat final. Une belle expérience. Aussi, par rapport à ça, est-ce que Expo Science vous a permis de vous éclairer par rapport à vos perspectives de métier futur? Est-ce que vous voulez vraiment pratiquer un métier relié aux sciences? Donc, ben vraiment, là, l'Expo Science nous a vraiment permis de savoir des tonnes et des tonnes de contenus sur plusieurs métiers scientifiques. Donc, vraiment relié à toutes sortes de domaines scientifiques. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Je pense que je parle au nom de nous deux, là. Ça nous a vraiment intéressés pour un métier futur dans le domaine de la science. Surtout les métiers qui tournent autour de la microbiologie et de la biologie, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a parlé l'année dernière et cette année. OK. Donc, merci à vous deux de nous avoir dressé un portrait plus juste de ce qu'était l'Expo Science. Donc, Philippe, Yana, je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre projet. Merci.